La première héroïne de jeux vidéo se retrouve ainsi déguisée sur arcade en grosse boule jaune dans Miss Pac-Man en 1982. Un an plus tard, la représentation du sexe dit faible gagne en réalisme mais pas en éthique. Sur l'Atari 2600, Kirsten's Revenge invite ainsi le joueur à éviter des flèches pour arriver à s'accoupler avec une indienne. Édité et développé par Mystique, ce jeu érotique destiné aux plus de 18 ans provoque un des premiers scandales de l'histoire du jeu vidéo, avec à la clé des manifestations d'organisations luttant contre le sexisme et le racisme aux États-Unis. Même si son éditeur s'en défend, le titre du jeu et son contexte font clairement référence au viol d'une indienne, et aussi à une revanche prise sur l'une des défaites les plus cuisantes de l'armée américaine contre les Indiens d'Amérique en 1876. Game Spy, PC World et Game Trailer ont d'ailleurs placé cette production en bonne position dans leur top 10 des pires jeux vidéo de l'histoire. Aussi marquant soit-il, Custer's Revenge reste heureusement une exception. À l'aube des années 80, les jeux vidéo ont plutôt tendance à traiter la femme avec une gentille condescendance. Elle y joue le rôle d'un objet récompense à délivrer, car kidnappée par un bad guy. Des sagas cultes hein, comme Donkey Kong, Double Dragon, Adventure Island, mais surtout Zelda et Super Mario, pompent ainsi allègrement le thème de la demoiselle en détresse. Un archétype venu en ligne droite des récits de l'Antiquité qui s'est articulé à travers les siècles via les contes populaires, la peinture, la littérature ou le cinéma. Encore fortement ancré dans l'industrie du jeu malgré quelques contre-pieds admirables, ce réflexe enfermant les femmes dans un rôle destiné à flatter l'ego masculin ne pose pas de problème sur le fond, mais bien plus dans sa fréquence élevée et son emploi encore trop systématique de nos jours. Un peu comme si le cinéma n'offrait aux actrices que des rôles de potiches à sauver comme Jane Lois ou Anne Darrow dans Tarzan, Superman et King Kong. Malgré un rôle archétypal et des couleurs de Barbie rose bonbon et blond platine dans le premier épisode, Peach devient active peu de temps après ses débuts dès 1987 dans Super Mario Bros. 2. Ce vrai faux deuxième épisode occidental de la saga du plombier moustachu permet ainsi de la diriger au même titre que Mario, Luigi et Toad. Une avancée discrète et révolutionnaire pour l'époque qui ne se reproduira que 18 ans plus tard dans Super Princess Peach sur DS. Ce jeu de plateforme inverse la vapeur et voit Mario et Luigi kidnappés par Bowser. Comme le cas Mario en témoigne, Nintendo brouille les pistes et adopte une attitude ambiguë quant à la place de la femme dans ses plus grandes sagas pixelisées. Tranquillement progressiste, il joue des contrastes au fil de ses productions les plus ambitieuses. La saga des Zelda l'illustre à merveille. Si la vingtaine d'épisodes de la série affiche le plus souvent le nom d'une princesse, bizarrement, c'est bel et bien Link qui tient le premier rôle et incarne le seul personnage jouable, exception à cette règle, Zelda The Wand of Gamelon sur le CDI de Philips, qui permet d'incarner Zelda dans un gameplay à l'intérêt proche de zéro, tandis que Midna, l'une des trois princesses à sauver de Twilight Princess sur GameCube, prend également une part active à l'aventure pour un bien meilleur résultat. Troisième énorme saga, Men in Kyoto, Metroid continue à fasciner avec force depuis 1986. À l'époque de la NES, ce jeu de plateforme shoot nerveux fait un carton. On y dirige un cyborg casqué, vêtu d'une combinaison spatiale et qui s'avère à la fin du jeu être une femme. Plus d'un joueur est resté bouche bée. Récompense d'un effeuillage final ou leçon de morale délibérée, difficile de deviner les intentions exactes de Big N qui reste très laconique sur le background de cette chasseuse de primes, également justicière intersidérale. Sautant et désinguant du boss comme un mec, Samus Aran, l'héroïne du jeu, prouve que le « we can do it » féministe est traduisible en pixels. Le tout grâce à du « cross-dressing », terme utilisé pour décrire le travestissement d'une femme en homme ou inversement désireuse d'évoluer dans un monde qui lui est inaccessible à cause de son sexe, une version post-moderne de Mulan, Jeanne d'Arc ou l'écrivain George Sand qui prouve que l'univers du jeu vidéo 80s, devant ou derrière l'écran, est encore très réactionnaire en termes d'accessibilité aux filles et aux femmes, mais plus pour très longtemps. Ce texte est tiré du IG Magazine numéro 3 datant de juillet-août 2009, hein, donc ce qui nous fait presque 10 ans, un papier intitulé « Sois belle et tais-toi », donc qui parle des héroïnes dans les jeux vidéo. Alors je ne vous ai pas lu tout le dossier, mais une partie, la partie qui me paraissait la plus pertinente avec ce sujet qui est vraiment sur le devant de la scène, et c'est heureux hein, en ce moment sur la place des femmes dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, et d'une manière plus globale, le harcèlement et le traitement réservé aux femmes dans nos sociétés. Donc je trouvais que cet article pouvait trouver une résonance avec l'actualité d'aujourd'hui, une résonance intéressante. Dans cet IG Mag, hein, où l'on explore plusieurs facettes hein, de l'image de la femme dans le jeu vidéo, on peut retrouver une interview de Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne de formation analytique et qui travaille énormément sur les jeux vidéo, qui est même un peu plus connue maintenant. Enfin, je suppose que vous avez au moins une fois entendu parler d'elle. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à la suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et donc, dans cet IG Mag, on lui demande s'il existe une explication psychologique au fait que, dans les années 80, les filles s'adonnaient moins volontiers que les garçons aux jeux vidéo. Ou en tout cas, elles ne pratiquaient pas les mêmes jeux. Alors, on peut revenir sur cette affirmation, la trouver un peu erronée ou pas, mais la réponse de Vanessa Lalo est intéressante. Elle nous dit « Je ne pense pas que cela relève de la psychologie. Freud a démontré très tôt qu'il existe une bisexualité psychique chez l'être humain, que chacun d'entre nous dispose à la fois de traits masculins et féminins. Ceci dit, les individus font tous expérience de la différenciation des sexes à partir de 4 ans. Concrètement, le garçon s'aperçoit que la fille n'a pas de pénis et il se sent alors menacé car il a peur de perdre son atout. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Cette angoisse poussera le garçon à se battre tout au long de sa vie pour qu'on ne lui ôte pas ce phallus. C'est ainsi qu'une logique de compétition va se constituer. Il va chercher à déposséder le phallus de celui qui est considéré comme le plus puissant, et la femme, quant à elle, cherche plutôt à obtenir ce phallus dont elle est dépourvue dans une quête éternelle pour combler ce manque ou tenter de le réparer. D'un point de vue plus anthropomorphique que psychanalytique, on peut rapprocher ses comportements de celui de l'homme primitif qui devait chasser et protéger son territoire tandis que la femme s'occupait de la gestion du foyer et des enfants. Bien entendu, il s'agit de généralité puisque chaque individu est singulier. Alors personnellement, je n'adhère pas totalement à toutes ces analyses, mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez étonnant. On lui demande également si ces données ne peuvent-elles pas expliquer donc le fait que la majorité des filles n'aiment pas Counter-Strike. C'est une drôle de question également. Vanessa Lalo répond qu'une étude américaine avait été dirigée par le psychiatre Alan Race, qui a fait passer des IRM à des sujets des deux sexes en présence de jeux vidéo. Il a été constaté que la région mésocortico-limbique du cerveau, ouf, j'ai réussi à le dire sans trop me planter, donc c'est une zone impliquée dans le sentiment de satisfaction, était davantage stimulée chez les hommes lorsqu'il s'agissait de vaincre leurs adversaires et d'agrandir leur territoire. Cela tendrait à démontrer l'existence de prédispositions pour les jeux de compétition ou de conquête chez les sujets masculins. Mais il existe aussi une analyse plus socioculturelle. De la même manière que les garçons ont été encouragés à jouer au foot ou aux soldats et les filles à la poupée, on constate que les jeux produits aujourd'hui collent encore aux représentations sociales des rôles de chacun des deux sexes. Une fille qui s'intéressait aux jeux de combat risque d'être perçue comme dépossédée de sa féminité. D'une manière générale, les hommes et les femmes sont régis par les mêmes désirs et les mêmes pulsions, mais l'expression de ces pulsions est souvent encouragée chez l'homme alors qu'elle est parfois réprimée chez la femme. J'avais complètement oublié ce texte-là. Puis je précise que vu que j'ai fait partie vraiment des rédacteurs principaux d'IG Magazine, tout ce que je vous lis là, que ce soit les entrevues ou les articles, n'ont pas été signés de ma plume. Bien sûr, le but n'étant pas de me mettre en avant d'une manière totalement égocentrique. Le dossier que je vous ai lu tout à l'heure, le dossier, en tout cas une partie du dossier intitulé « Sois belle et tais-toi » a été signé Michihiro Tamai. L'interview de Vanessa Lalo, que je ne vous ai pas retranscrit en intégralité, bien évidemment, a été recueillie. En tout cas, les propos de Vanessa Lalo ont été recueillis par le caporal Cass Pompon. J'aimerais, et je pense que ça collera tout à fait avec la news du début de l'émission où je vous parlais de la vidéo avec Carole Quinten et Kayane, puisque dans ce numéro de 2009, donc il y a presque 10 ans, on trouve une interview de Kayane, une interview réalisée à nouveau par le caporal Cass Pompon, et l'interview est titrée « Kayane, deux points, cette fille est dangereuse ». Alors, je ne vais pas vous lire toute l'interview, c'est très intéressant, voire pertinent, en toute modestie bien sûr, de confronter les réponses de Kayane datant d'il y a 10 ans, et les propos, par exemple, qu'elle a tenu dans l'émission de Carole Quinten. Alors justement, il y a une question qui est assez parlante. On lui demande, est-ce que les garçons sont-ils de mauvais perdants, et surtout lorsqu'ils sont battus par une fille? C'est vrai que rien que la question déjà est assez représentative d'un état d'esprit qu'on peut certainement retrouver aujourd'hui, bien sûr, mais qui était peut-être encore plus présent à l'époque. Et donc Kayane répond, cela arrive souvent, mais surtout quand ils ne me connaissaient pas de réputation. Lorsqu'il s'agit de joueurs qui connaissent mon pseudo, Il trouve que c'est normal. Mais c'était bien pire quand j'avais 9 ans. Je participais à des tournois qui organisaient des défis Kayane. On pouvait gagner un lot si on me battait. Heureusement, cela arrivait rarement. J'avais un peu l'impression d'être une attraction. Et en même temps, cela me permettait de me venger. Je voulais prendre ma revanche contre ces gens qui chuchotaient derrière moi. C'est une gamine, je vais la battre facilement. Oui, contre tous ces mecs qui me disaient de retourner jouer à la poupée. Ça me donnait la rage et c'était un vrai plaisir de les battre au début. Tout le monde me sous-estimait. Aujourd'hui, j'ai acquis une réputation et ce n'est plus le cas. Et justement, quand on parlait de compétition, d'esprit de compétition, là, Kayane, il avait déjà, je dirais, à fond les manettes, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Elle dit notamment « Quand je perds, je pense que c'est uniquement à cause de mes erreurs et que je dois les analyser. Je suis très perfectionniste et j'aime la compétition. » Donc, à l'époque, Kayane s'adonnait surtout à Soul Calibur 4. Hein. Elle était classée 4e française. Mais elle précisait qu'elle s'entraînait moins qu'à l'accoutumée à cause du bac. Donc elle dit « Je ne joue plus que 2 fois par semaine, environ 30 minutes par jour, le temps d'un défi. Ma mère m'a bien fait comprendre que la priorité, ce sont les études. Après le bac, je compte suivre un DUT en technique de commercialisation. Le jeu a toujours été une passion pour moi, je ne voudrais pas que ça devienne un job auquel je devrais m'adonner par obligation. » Alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, là, je pense que peut-être que sa vision était un petit peu... biaisé par, et ça peut se comprendre, les inquiétudes de sa mère, qui sont tout à fait compréhensibles, hein, bien évidemment, mais que j'imagine que quand elle a vu qu'elle pouvait vivre de sa passion, en tout cas, en partie, et ça, elle l'explique très bien dans la vidéo de Carole Quinten, je pense que quand elle a vu, en tout cas, malgré tout, qu'elle pouvait vivre dans cet univers du jeu vidéo, je pense qu'elle n'a pas hésité, une fois que ses parents, très certainement, étaient rassurés pour son avenir.